الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد. La semaine passée, bihamdillahi tabaraka wa ta'ala, nous avons étudié les piliers de la foi. Il nous manquait la récitation du hadith d'Ibril, hadith Omar radiallahu anhu, avant de passer au troisième fondement, la connaissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال المؤلف رحمه الله تعالى والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله أو عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. Donc l'auteur nous dit رحمه الله تعالى et la preuve tirée de la sunnah, c'est-à-dire la preuve des trois degrés de la religion de l'islam, qui sont l'islam, la foi et l'excellence, l'iman ou l'ihsan. Et la preuve des parties composantes de l'islam, les cinq piliers, les parties composantes de la foi, les six piliers, et les parties composantes de l'ihsan. Tout cela dans le hadith. Taïb. L'auteur nous, dans ce hadith, l'auteur nous dit al-hadith, yani hadith Jibril al-mashhur, le hadith connu, le hadith Jibril. En réalité, c'est le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Mais dans ce hadith, il y a la venue de Jibril alayhi salam sous l'apparence humaine. Donc ce hadith a été connu sous cette appellation, hadith Jibril. Et c'est l'ange connu que vous connaissez tous, le maire des anges, alayhi salam. An Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc Omar dit, un jour, alors que nous étions auprès du messager d'Allah, un jour, alors que nous étions auprès du prophète, Rasoul, on traduira par messager, Nabi, on traduira par prophète. Donc un jour, alors que nous étions auprès du prophète, prière et salut sur lui, un homme vint soudainement à nous. Il avait des vêtements d'un blanc éclatant, une chevelure très noire, et ne portait aucune trace visible de voyage, bien que nul d'entre nous ne le connaissait. Il s'assit alors devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis posa ses genoux contre ses genoux, ses mains sur ses cuisses, et demanda: « Ô Mohammed, informe-moi de ce qu'est l'islam. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: « L'islam consiste à attester que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan, effectuer le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. » Donc ici, il y a la preuve de la première partie. Il y a la preuve de l'islam et des cinq piliers de l'islam. Il dit: « Tu as dit vrai. » Nous fûmes alors très surpris de cette personne qui le questionne puis approuve ses réponses. Il demanda: « Informe-moi de ce qu'est la foi. » Il répondit: « Croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin qu'il soit bon ou mauvais. » Il y a la preuve pour la foi qui se compose donc de six piliers. Il dit: « Tu as dit vrai. Informe-moi de ce qu'est l'excellence. » Il répondit: d'adorer Allah comme si tu le voyais, bien que tu ne puisses le voir. Lui te voit parfaitement. Ou bien d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne peux le voir, sache que lui te voit parfaitement. Ici, il y a la preuve pour l'ihsan, l'excellence. Informe-moi quand surviendra la dernière heure. Il répondit: celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui pose la question. Il demanda: informe-moi alors de ces signes précurseurs. Il répondit: lorsque la servante enfantera sa propre maîtresse, et que tu verras les va-nu-pieds, les sans vêtements, les miséreux, les simples bergers se surpasser dans l'élévation des hautes constructions. Puis il s'en alla, et nous restâmes ainsi un très long moment. Beaucoup plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit: ô Omar, sais-tu qui est celui qui me questionnait? Je répondis: Allah et son messager sont plus savants. Il dit: c'est l'ange Jibril. C'est Jibril qui est venu nous enseigner le dogme. C'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. C'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Naam. Nous avons donc vu dans ce hadith, le hadith Jibril, al-Shahid des trois degrés de l'islam. Maintenant, nous allons reprendre ce hadith et citer quelques points bénéfiques tirés de ce hadith. Et pour plus de détails, vous revenez à l'explication lors de Al-Arba'in Nawawiyya. Tayyib, lors de l'explication de ce hadith dans l'explication des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi. Pour le moment, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, il y a donc le fait que les compagnons avaient pour habitude de rester auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de prendre de sa science, de s'éduquer par amour pour lui, pour le secourir et le défendre contre toute nuisance. بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ici tu tires le fait de rester proche des gens de bien, des gens de science, afin de tirer profit de ce qu'ils ont comme science et noble caractère, et aussi de les prendre comme exemple. إذ طلع علينا رجل. C'est alors qu'un homme, yani soudainement, est venu. Et ici on dit rajulun, un homme, car Jibril alayhi salam avait l'apparence humaine. Car Jibril alayhi salam avait l'apparence humaine, car Allah azza wa jal permet à ce qu'il veut parmi ses anges de prendre l'apparence humaine par moment, comme ce fut le cas dans ce hadith. Puis Omar radiallahu anhu nous décrit cet homme. Il nous dit: il avait des vêtements d'un blanc éclatant, une chevelure très noire. Il ne portait aucune trace de voyage, bien que personne d'entre nous ne le connaissait. Ça, c'est la première chose étonnante dans ce hadith. C'est qu'à l'époque, celui qui faisait partie de la ville ou du village était connu de tous. Et celui, du moins, il n'était pas ignoré par l'ensemble. Et celui qui est arrivé d'une autre région, arrivait donc de voyage. Et il y avait le désert d'Arabie. Donc la personne, sans aucun doute, avait des marques de voyage sur elle. Le teint changeait, mais aussi les vêtements étaient yani marqués par le sable. Contrairement à la situation qui nous est exposée ici, personne d'entre les compagnons ne le connaissait et il n'avait sur lui aucune trace de voyage. Le fait qu'il n'ait pas de trace de voyage nous fait donc comprendre que c'est quelqu'un de la ville. Mais il nous dit personne d'entre nous le connaissait. Donc il arrive de voyage, mais il n'a pas de trace de voyage, de voyageur. Naam. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Il est donc venu s'asseoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis ses genoux contre les siens et a posé ses mains sur ses cuisses. Dans toute cette partie, il y a le comportement de l'étudiant, de celui qui vient rechercher la science. Premièrement, c'est l'étudiant qui se déplace vers la personne de science. On voit ici que c'est Jibril alayhi salam, c'est cet homme qui est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, le fait de porter de beaux habits blancs propres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à cela en disant Ilbisu min thiyabikumul bidh, portez parmi vos vêtements les vêtements blancs. Donc c'est une chose qui est recommandée. Wa kaffinu fiha mawtakum. Et les savants ont cité de nombreuses fawaïd à porter du blanc. Par exemple, ils ont dit que c'est le vêtement qui est le plus beau pour l'homme. Ils ont dit également que lorsqu'il y a une tache, on la voit rapidement, et d'autres choses. Il avait les cheveux très noirs. De cela, ils ont tiré donc qu'il était jeune. Alors celui qui fait talib ul-ilm, il commence le plus tôt possible. Car l'enfant n'a pas de charge qui occupe son esprit. L'enfant n'a pas de difficulté, que ce soit financière ou dans ses occupations. Donc il est plus à même de retenir la science, d'accord, et de s'y consacrer et d'y donner une grande partie de sa journée. Contrairement à la personne qui doit travailler, qui a des charges, qui a sa famille, ses enfants, ses parents, et ainsi de suite. Donc son esprit est occupé par une multitude de choses, alors que l'enfant, lui, ne fait que se distraire durant ses premières années. Il peut donc apprendre. Taïb. On voit ici la proximité de celui qui demande la science, du shir ou de l'enseignant. Ni celui qui vient demander la science, il ne lui convient pas de s'éloigner de celui qui parle, mais il doit s'asseoir proche de lui et se mettre en face de lui. Il ne doit pas lui donner son profil ou lui donner le dos, mais il doit se diriger vers lui et se mettre le plus proche possible de l'enseignant. Ainsi l'enseignant se fatiguera moins, ainsi l'élève entendra mieux et l'enseignant aura donc plus de faculté à se faire comprendre et pourra plus dispenser son savoir. Car il se fatiguera moins, il n'aura pas besoin d'élever la voix, de tourner la tête, et ainsi de suite. Donc il a mis ses genoux contre ses genoux. Donc il était vraiment très proche. Et il a mis ses mains sur ses cuisses. Les savants ont divergé. Est-ce qu'il a mis ses mains sur ses propres cuisses, ou est-ce qu'il a posé ses mains sur les cuisses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? وَقَالَ يَا مُحَمَّدٍ. Il l'a appelé par son prénom, chose qui n'est pas commune chez Sahaba. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran de ne pas appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on s'appelle les uns les autres. Il disait Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah. Certains l'appelaient par sa kunya, mais par son prénom, cela n'est pas une chose commune. Et certains savants expliquaient la sagesse ici d'avoir utilisé son prénom en disant qu'on a voulu faire penser aux compagnons que c'était un bédouin. Pourquoi ? Car les compagnons avaient honte de questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les bédouins venaient, ces gens qui étaient éloignés des villes n'avaient pas forcément le même recul que les compagnons et la même gêne que les compagnons. Alors ils venaient et questionnaient immédiatement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'un naturel et étonnant point où certaines personnes parmi les bédouins ont déjà attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le col ou par le vêtement en lui disant « Ô Mohammed, donne-moi de l'argent, ça n'est pas le tien, c'est l'argent d'Allah. » C'est un comportement où il y a une certaine dureté due à leur éloignement des villes, donc de certaines habitudes et comportements. Mais l'islam est venu et a amélioré leur comportement, a adouci cette dureté. Naam. D'autres ont dit que Sahaba, certains parmi eux questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en posant de nombreuses questions. Alors ici Allah azza wa jalla a voulu les éduquer et leur montrer qu'il faut poser les questions les plus utiles. Jibril alayhi salam a posé 3 questions, puis des questions sur ma'adha as-sa'a et asharatu sa'a. Donc c'est pour nous montrer que lorsque tu poses une question à quelqu'un de science, il te faut demander sur ce qui t'est le plus utile. Et ça, c'est une faute qui est répandue malheureusement. C'est qu'on pose des questions sur des choses futiles ou bien secondaires, en oubliant de poser des questions sur ce dont nous avons besoin dans la vie de tous les jours, ce qui est fard ayn, hein, sur la purification, sur la salat, avant cela sur la croyance, sur le tawhid, sur le shirk, sur le bien, sur le mal, sur ce qui te fait rentrer au paradis, sur ce qui t'éloigne de l'enfer. D'accord ? Pose les questions qui te sont utiles. Si tu veux rentrer dans un commerce, pose les questions. Est-ce que c'est licite ? Est-ce que c'est illicite ? Si tu vas avoir un enfant, pose des questions sur la aqiqa. Si tu vas te marier, sur les droits des époux. Wahakada. Selon ta situation, après les choses de la religion, tu dois poser des questions sur tes mu'amalat et les choses qui te touchent au quotidien. Naam. La première question, informe-moi au sujet de l'islam. Ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu avec 5 points, qui sont les piliers de l'islam. Et la preuve que sont des piliers, c'est le hadith d'Abdullah ibn Omar, « Bouniya l'islam ala khams », le troisième hadith dans l'Arba'in Nawawi. Car on a bien dit ici, « Bouniya », l'islam est fondé, repose sur. De cela, les savants ont pris que on dirait que ce sont bel et bien des piliers. Donc on voit ici que l'islam se compose de 5 piliers. Le premier, shahadatan. Le deuxième, l'accomplissement de la prière. Le troisième, s'acquitter de l'aumône, zakah. Le quatrième, jeûner le mois de Ramadan. Et le cinquième, accomplir le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. On remarque ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'islam avec les choses apparentes. Avec les choses apparentes. Alors que par la suite, pour les piliers de l'islam, il a expliqué cela avec les choses intérieures. De cela, on a cité et on répète que cela est dalalatul iqtiran. Yani l'islam wal iman idhajtama'a iftaraqa ay fil ma'na. Idhajtama'a fil makan fil siyaq ijtama'a. Tayyib. أو إذا اجتمع نعم افترقا يعني افترقا في المعنى تكون الإسلام بمنزلة الأعمال الظاهرة والإيمان الباطنة. Donc lorsque l'islam et la foi se réunissent dans le même contexte, l'islam sera expliqué par les choses apparentes, comme c'est le cas dans ce hadith, et la foi par les choses intérieures, comme c'est le cas dans le hadith. Par contre, si on cite l'islam tout seul, ou bien l'iman tout seul, alors ça englobera les deux sens, la religion tout entière. Comme dans le hadith de Wafdu Abdil Qais, lorsqu'une délégation est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il leur a recommandé l'imanu billah. Amurukum bil imani billah. Atadruna mal imani billah. Il leur a dit, je vous recommande, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à des compagnons, je vous recommande la foi en Allah. Savez-vous ce qu'est la foi en Allah? Ils ont dit, Allah, son messager, son plus savant bien, Allahu a'lam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ash-shahada, as-salah. Et il leur a donné d'autres recommandations. Donc, pour expliquer l'iman, il a aussi cité des choses de l'islam. Pourquoi? Car l'iman avait été cité ici tout seul, donc ça englobe la foi composant les choses, ou se composant des choses extérieures et des choses intérieures. On voit que la chose la plus importante ici, c'est le tawhid et c'est le shahad. On voit que pour le hajj, on a appuyé la capacité. Bien que la capacité soit une condition pour l'ensemble des actions, tu fais ce que tu peux faire. Comme dans le hadith d'Abi Huraira, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Lorsque je vous ordonne une chose, faites-la autant que possible. Pourtant, dans ce hadith, ça a été affilié qu'au pèlerinage. Cela, car la chose la plus difficile est le pèlerinage. Et qu'il y a en général un voyage. Pour la plupart des gens, il y a un voyage. Donc, ça est, on a cité la capacité. Les compagnons ont dit, فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُوا وَيَسَدِّقُوا. Nous sommes étonnés. Pourquoi? Ils posent la question, puis confirment la réponse. Pourquoi ils se sont étonnés? Car en général, celui qui pose la question est ignorant de la réponse. Mais le fait que cet homme ait dit, tu as dit vrai, après avoir entendu la réponse, prouve quoi? Qu'il connaissait la réponse. Puis, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la foi comme étant ces six points. La foi en Allah, la foi au livre, au messager, la foi en Allah, aux anges, au livre, au messager, au jour dernier, et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. On voit que pour Al-Qadar, pour le destin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété le verbe. Wa antu'mina. Mais il n'a pas fait cela pour les points passés. Certains savants ont dit que c'était pour attirer l'attention tout particulièrement sur ce point, car il y aura dans le futur une divergence. Et cela a eu lieu à l'époque de Abdullah ibn Omar, lorsque la secte des Qadarites, Al-Qadariyah, ont amené cette innovation. Taïb, qui vise à dire qu'Allah ne connaît pas les choses, il n'y a pas le destin. Mais lorsque cela se passe, Allah alors le sait. Allah al-musta'an. Ils se sont donc égarés du droit chemin et Abdullah ibn Omar s'est désavoué d'eux. Naam. Puis, al-ihsan, qui est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Si toi tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Ensuite, de ces six points-là, on tire également ce que nous avons tiré des cinq premiers points, l'islam, c'est l'importance du tawhid. Car le premier pilier d'islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, shahada bi dhalik. Le premier pilier de la foi, l'imanu billah. Donc on voit que la chose qui a le plus d'importance, c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la base de tout. Et tout le reste découle de ce point. Naam. Puis, cet homme a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'heure. Taïb. C'est-à-dire al-qiyamah. Taïb. Dans la fin du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Celui qui est questionné, c'est-à-dire lui-même, al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, n'en sait pas plus que celui qui pose la question. D'accord? De cela, on tire que personne ne connaît l'heure de la fin du monde en dehors d'Allah Azza wa Jal, Allamul Ghuyub. Ici sont réunis l'ange Jibril alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des habitants des cieux et le meilleur des habitants de la terre. Le meilleur des anges, Jibril alayhi salam, avec le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous deux ignoraient l'heure de la fin du monde. C'est donc une chose qu'Allah azza wa jalla a gardée auprès de lui dans sa science de l'invisible. Naam. De cela, nous disons que celui qui prétend connaître le futur ou les choses de l'invisible aura proféré une parole de mécréance qui est très grave. Il aura ainsi démenti Allah Azza wa Jal, démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aura prétendu être meilleur que le meilleur des anges et la meilleure et le meilleur des messagers aux hommes. Allah nous dit dans son livre قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ, dit nul ne connaît dans les, que soit dans les cieux ou sur la terre l'invisible si ce n'est Allah. L'invisible si ce n'est Allah. Et parmi l'égarement évident, le fait de se diriger vers Maza, les devins, les voyants et ce genre de personnes qui n'ont aucune part dans l'islam, ce genre de personnes qui ont essayé de défier Allah Azza wa Jal dans des choses qui lui étaient propres, comme la science du futur et des choses de l'invisible. Donc ici, on voit que tout cela est faux. Le fait de prétendre connaître les choses de l'invisible. Naam. Ensuite, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des signes de la fin du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité premièrement lorsque la servante enfantera sa propre maîtresse. Que signifie cela? Ça est expliqué de plusieurs manières par les savants. Une parole qui revient souvent est de dire qu'il y aura beaucoup de conquêtes et que des femmes seront faites prisonnières, et lorsque son propriétaire aura des rapports avec cette femme, elle enfantera. L'enfant suit le père. Alors l'enfant de cette femme deviendra également sa maîtresse. D'accord ? L'enfant suit le père, qui lui était le responsable de cette femme. Et l'enfant aura le même statut que le père. D'accord ? Donc sera au-dessus de sa propre mère. Naam. Et que tu verras les va-nu-pieds, ceux qui sont pieds nus, sans chaussures. Taïb, antara al-hufata, donc ceux qui sont pieds nus, sans chaussures. Al-urata, sans vêtements. Ria asha, les bergers, qui habitent en général les campagnes et se déplacent. Ces simples bergers, yatata waluna fil bunyan, se concurrencent, yani, se surpasseront dans l'élévation, ou se concurrenceront dans l'élévation des hautes constructions. Des gens qui à la base sont humbles, des gens qui à la base vivent de manière très modeste, vont venir à la ville et se concurrencer dans les richesses au point de construire. Et lorsqu'un va construire, l'autre voudra construire encore plus grand que lui. Et c'est une chose dont on a pu témoigner. Naam. قال فمضى فلبثنا مليا مليا, c'est un moment, d'accord, c'est un moment qui est assez long, donc nous sommes restés un certain moment ou un long moment. Donc plus tard le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, sais-tu qui est-ce qui me posait des questions? طيب, ici on voit le noble comportement des compagnons malgré ces choses étonnantes. Cet homme qui était connu de personne mais qui n'avait pas pour autant de traces de voyage. Cet homme qui pose la question puis dit tu as dit vrai. Cet homme qui dit Ya Muhammad et non pas Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout cela, on voit qu'ils n'ont pas parlé avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les questionne. Et ça, c'est un des nobles caractères de l'étudiant, le fait de ne pas couper la parole, tayyib, ou le fait de lever la main avant de pouvoir prendre la parole en cas de nécessité. On voit aussi le comportement des sahaba, ce qu'ils ne parlaient pas sans science, et qu'il convient de dire Allahu A'lam lorsque tu ignores une chose. On voit aussi que ça ne diminue pas la valeur de la personne d'ignorer une question particulière. Et que la sagesse dans ce cas-là est de dire « je ne sais pas » ou bien « Allahu A'lam ». Car ici, Omar a répondu « Allahu wa Rasulu A'lam ». Allah et son messager sont plus savants. Le fait de dire « Allah wa Rasulu A'lam », de mettre aussi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cette phrase, c'est de son vivant. Ça, c'est de son vivant. Mais après sa mort, nous disons « Allahu A'lam ». Allahu A'lam. Certains savants ont détaillé plus que cela en disant que s'il y a une différence, si c'est une chose religieuse ou pas, vous reviendrez au tafasil dans les livres. Naam. Dans l'explication du Hadith Jibril. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hadha Jibril. C'est Jibril qui est venu vous enseigner les choses de votre religion. D'accord ? C'est Jibril qui est venu vous enseigner les choses de votre religion. Donc on tire de cela que l'ange peut prendre l'apparence humaine, car cet homme qui posait des questions était Jibril alayhi salam. On tire également de cela que celui qui pose les questions, même s'il sait les réponses, pour faire profiter les gens de l'assise, aura le même statut que l'enseignant, celui qui répond aux questions. Il aura donc la récompense d'avoir été l'enseignant. Si toi par exemple, t'es dans une assise et que tu penses que les gens autour de toi ignorent une chose qui est importante. Toi, tu connais cette chose-là. Mais tu poses la question afin que l'enseignant réponde à voix haute à cette question pour faire entendre tes camarades. Ben, tu as le jugement, le statut de l'enseignant. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Jibril était un enseignant. Voici Jibril qui est venu vous enseigner les choses de votre religion, alors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dispensé la science. Mais du fait qu'il a été la cause, on lui donne le statut également de l'enseignant. Voici pour le hadith Jibril, qu'on surnomme, que certains savants ont surnommé Ummu Sunna, la mère de la Sunna, tout comme Al-Fatiha a été surnommée Ummul Kitab. Car Al-Umm dans la langue arabe, c'est la base à laquelle on revient. L'essence de tout le Coran sont réunis dans le Fatiha de manière générale. Ben, la Sunna ici, le Din ici a été réuni dans Hadith Jibril de manière générale. Celui donc qui veut expliquer le Hadith Jibril parfaitement doit expliquer toute la religion. On s'arrête là, on poursuivra demain, inshallah ta'ala.